Chers auditeurs de Fadjet, bienvenue chez Dr Disco et Mr Funk. Je suis Fred, c'est samedi et on va passer un petit moment ensemble. Pour la découverte du jour, j'ai sélectionné un duo mari et femme, Ashford et Simpson. Nicholas Ashford et Valerie Simpson se sont rencontrés au début des années 60 et composent dans un premier temps pour Ray Charles ou Aretha Franklin. En 1966, ils rejoignent la Motown et se remettent à composer pour Diana Ross et Marvin Gaye. C'est d'ailleurs à eux que l'on doit le célèbre titre « Ain't No Mountain High Enough ». Le titre d'aujourd'hui, c'est « Solid ». Pour les plus anciens, c'est ce morceau qui a été utilisé dans le soap opera « Santa Barbara » pour rythmer les romances. On va le découvrir maintenant. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learned to trust. Not run away. It was no time to play. We build it up and build it up and build it up. And now it's solid. Solid as a rock. Dis donc, on commence fort aujourd'hui encore. On va passer à la double dose qui est consacrée à George Duke. Il est né en 1946 et il a joué et composé pour les plus grands comme Phil Collins, Michael Jackson, Al Jarreau. Sa carrière solo, elle débute en 1975, mais c'est en 1977 qu'il obtient son premier disque d'or avec Reach Out. Et deux ans plus tard, rebelote avec Brazilian Love Affair.

Disco et Mr. Funk sur Fadjet. We'll be right back. Faites place au maxi. Alors aujourd'hui, j'ai assimilé le maxi du jour à une découverte. Firefly, vous connaissez ? Alors moi, je l'ai repéré il y a à peine un mois et franchement, c'est de la bombe ! Le groupe a été formé en 1979. Il est composé de Maurizio Sanginetto, Rolando Zaniolo et Manuela Ometa. Leur premier single, Do It Dancing, sort en 1981 en même temps que leur premier album. Le suivant, qu'on va écouter maintenant, plutôt dans quelques instants, il s'intitule Love is Gonna Be on Your Side. Ça devient rapidement un des classiques de l'Italo Disco, et ça sera aussi leur titre le plus connu. 4 albums ensuite vont suivre, jusqu'en 85, et là, ils se sépareront. Alors, je vais mettre ce titre très très très haut dans mes coups de cœur, et plus c'est long, meilleur c'est, et ben on va l'écouter maintenant. Sweetness inside. Love is gonna be on. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. On arrive tout doucement à la fin de notre émission. C'est le moment de la pépite. Alors ce soir, j'ai choisi Sister Sledge et leur morceau All American Girl. Titre sorti en 1981, il est extrait de l'album du même nom. On peut y retrouver certaines similitudes avec We Are Family. Le thème de la chanson est le féminisme, et la chanson a montré son désaccord avec la mairie de Ronald Reagan, fraîchement élu. Bon, en tout cas, je trouve que ça swing bien comme tu, mais je vais vous le faire découvrir maintenant. Allez, c'est parti. We're all American girls, C'est déjà fini, comme le temps passe vite. Alors je vous dis bonne soirée, bonne semaine, à samedi prochain. Bye bye.